بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الإخوة on poursuit donc après une petite pause nos cours donc sur la zakat en abrégé et nous allons donc voir aujourd'hui la zakat sur ce qu'on appelle l'oqta. La zakat de l'objet ou le bien trouvé. L'objet trouvé a ses règles qu'on ne peut pas trop détailler ici pour ne pas faire long. Mais on va donc voir en bref et en résumé quelques-unes des règles concernant donc l'oqta, l'objet trouvé. Il faut savoir donc que les biens trouvés en islam, les biens que la personne trouve en islam sont de trois sortes. La première catégorie, c'est ce qui est insignifiant ou de faible valeur. La première catégorie donc de biens trouvés ou d'objets trouvés, c'est ce qui est insignifiant ou de faible valeur. Comme par exemple un bâton, un fil, un câble, un fouet, un bout de pain, un fruit ou même de l'argent d'un très faible montant. Et donc dans ce cas, il est permis de s'en emparer. Lorsque l'objet trouvé est de très faible valeur, il est permis de s'en emparer. De le prendre et ça devient donc nous devenons donc le propriétaire donc de cet objet ou de ce bien de faible valeur et ceci est prouvé par le hadith de Jabir ibn Abdullah rapporté par Abu Daoud et c'est un hadith authentique et dans lequel il est dit رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل. Donc dans ce hadith dont il est dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a autorisé de prendre le bâton, le fouet et le câble que l'homme trouve. Donc, c'est ce hadith donc qui est donc la preuve que lorsque c'est ce genre d'objet de faible valeur ou des objets insignifiants, il est permis donc à la personne de s'en emparer et de les prendre. De les prendre et d'en faire des objets qui lui appartiennent désormais. D'après ce que j'ai lu des paroles des gens de science, ce qui permet de bien déterminer l'objet trouvé qu'il est permis de prendre et s'en servir sans chercher son propriétaire, et donc ce qui permet de différencier l'objet qu'il est permis de prendre, et de déterminer donc, de distinguer entre l'objet qu'il est permis de prendre et celui qui n'est pas permis de prendre. C'est le fait que l'objet insignifiant ou de faible valeur qu'il est permis de prendre, c'est celui dont il est connu que les gens ne seront pas déterminés à le retrouver. Et ils ne vont faire aucun effort pour. Donc c'est parmi ce que j'ai lu qui permet de bien le dabit, ce qui permet de bien déterminer l'objet qu'il est permis de prendre ou pas, c'est donc ce que je viens de citer là, c'est que l'objet qu'il est permis de prendre, c'est l'objet dont il est connu que les gens ne seront pas déterminés à le retrouver et dont ils ne vont faire aucun effort pour rentrer en possession de l'objet perdu. Donc ce genre d'objet, c'est pour ça que donc la charia, elle a donc permis, la législation islamique a donc permis de s'emparer de ce genre d'objet, parce que c'est des objets que les gens négligent et voilà, quelqu'un va peut-être chercher ça là quelques minutes. Si c'est perdu, c'est perdu. Il va pas passer la journée à chercher ça. Encore moins plusieurs jours. Contrairement donc à l'objet qui est de valeur, tu sais que la personne qui perd cet objet, il va être déterminé à le retrouver. Il va faire mettre tout en œuvre. Il va faire beaucoup d'efforts pour le retrouver. Et même si ça prend des jours, des semaines, voire même des mois, il se peut que sa détermination à retrouver cet objet ne baisse pas. Donc voilà donc la balance qui permet de savoir l'objet qu'il est permis de prendre et l'objet qu'il est permis de prendre donc sans rechercher son propriétaire et l'objet dont il faut absolument faire l'annonce pour retrouver son propriétaire. Donc voilà. Maintenant, la deuxième catégorie, donc quand cet objet est donc insignifiant, quand cet objet est donc insignifiant ou de très faible valeur, il est permis donc de s'en emparer sans chercher à retrouver son propriétaire. Mais lorsque c'est un objet de valeur, il nous est obligatoire de chercher son propriétaire et il nous est interdit de s'en emparer et d'en faire un objet qui nous appartient. Il nous est interdit parce que ça devient du vol. Ça devient donc du vol. La deuxième catégorie donc d'objets trouvés, c'est les objets ou les biens de valeur, comme l'or, l'argent, les billets, la monnaie, ou encore les moutons, la volaille, les petits chameaux aussi, les chameaux en bas âge aussi sont concernés. Les gens de science, donc, par rapport à cela, ils disent que tu peux prendre donc le bien trouvé pour le sécuriser. Donc pour cette deuxième catégorie que j'ai citée, il est permis donc de prendre ce bien-là. Donc si c'est par exemple de l'or, de l'argent, hein, de la monnaie ou autre bien de valeur ou autre bien précieux. Comme par exemple les moutons aussi, la volaille, comme j'ai dit, les chameaux en bas âge. Tout bien donc qui a une certaine valeur, tout bien qui a une certaine valeur, hein, et dont on sait donc que les gens vont mettre tout en œuvre pour récupérer ce bien-là, ils vont le rechercher pendant des jours et des jours, voire des semaines, ou même plus. Donc, dans ce cas-là, les gens de science donc disent que dans ce cas, il est permis de prendre le bien trouvé pour le sécuriser et rechercher son propriétaire. Si jamais la personne se sent la capacité de ne pas succomber à la tentation d'en prendre possession. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de préciser. C'est qu'il faudrait que lorsque tu prends ce bien pour le sécuriser et rechercher son propriétaire, il faudrait que tu te sentes en toi, chacun se connaît, tu te sens en toi la capacité de ne pas succomber à la tentation de t'en emparer et de devenir donc par cela un voleur. Donc parce que s'en emparer et en faire un bien qui est le tien, qui t'appartient, c'est donc du vol. C'est du vol doublé d'un mensonge. C'est du vol doublé d'un mensonge, puisque tu es obligé après de déclarer que c'est un bien qui t'appartient et c'est du mensonge, puisque ce bien-là ne t'appartient pas. Et donc, si la personne sent qu'il peut succomber à cette tentation, il est mieux pour lui de laisser l'objet trouver en route. Il est mieux pour lui de laisser l'objet trouver en route et de ne pas s'en emparer. Mais s'il voit que, voilà, il ne va pas succomber, ou par exemple si c'est quelqu'un d'aisé qui sait que, bon, il n'est pas dans le besoin de ce genre d'objet, il peut donc le sécuriser. Ou bien c'est quelqu'un qui est très pieux, très honnête. Donc, il est permis donc de prendre cet objet, de le sécuriser et donc de rechercher son propriétaire. Mais dans le cas contraire, donc, il est mieux de passer sa route et de ne pas s'emparer de l'objet ou du bien trouvé. Lorsqu'on s'empare donc de l'objet de valeur trouvée, on doit donc rechercher son propriétaire en faisant l'annonce dans les journaux par exemple, ou à l'entrée des mosquées, ou dans les marchés, ou voilà, il faut publier de quelque manière que ce soit. On peut faire comme à notre époque, même sur les réseaux sociaux, on peut faire donc l'annonce que voilà, il y a tel bien, un bien de tel genre qui a été perdu à tel endroit. Donc voilà, dans les lieux publics ou dans les lieux de rassemblement des gens. Donc voilà, à l'entrée des mosquées, dans les marchés, dans les lieux publics ou dans les lieux de rassemblement des gens, ou dans les journaux, dans les médias, ou dans les réseaux sociaux, on peut donc utiliser tout type de moyens pour essayer de retrouver le propriétaire du bien. Et ceci pendant une durée d'un an. Ceci pendant une durée d'un an du calendrier islamique. Et cette règle est donc prouvée par le hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhani. Ce hadith est dans les Sahihain. Ce hadith est donc dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih al-Muslim. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ثم عرف عرفها سنة ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: fais-la connaître, ça veut dire l'objet, la chose, fais-la connaître pendant un an. Si son propriétaire vient, il le récupère. Ou sinon, tu en fais ce que tu veux. Donc, ce hadith, donc, qui est dans les Sahihain, c'est donc la preuve que la personne doit donc faire l'annonce de l'objet trouvé pendant un an, essayer de retrouver son propriétaire par tous les moyens possibles pendant un an du calendrier islamique. Et si personne ne se présente pour récupérer l'objet, dans ce cas, donc, il est permis qu'il en fasse son bien. Il est permis donc qu'il le récupère et qu'il en fasse son bien après avoir fait tous les efforts pendant un an pour retrouver le véritable propriétaire de cet objet de valeur trouvé. Donc, si son propriétaire légitime se manifeste, on lui rend donc l'objet. Mais si personne ne s'est manifesté, on peut donc s'en emparer et donc ça fait partie donc, après les 1 an, cet objet ou ce bien fait partie donc des biens de la personne qu'il a trouvé. Et quand on dit de faire connaître le bien, bien sûr, lorsqu'on fait les annonces ou lorsqu'on recherche le propriétaire du bien, on ne donne pas les détails sur le bien. C'est souvent des erreurs que certaines personnes font. À notre époque, quand un objet est trouvé, on prend l'objet en photo et on dit voilà, y a telle personne a perdu tel type de telle chose, voilà, et c'est pris en photo par exemple. Ou bien on donne les détails sur la chose trouvée. Et ceci est une erreur parce que n'importe qui peut donc venir et après se présenter comme étant le propriétaire de l'objet. Ce que la majorité des gens à notre époque sont malhonnêtes. La majorité des gens à notre époque ne craignent pas Allah et ils sont malhonnêtes. Donc, pour éviter cela, il est donc mieux, lorsqu'un objet est trouvé, de donner juste des indications générales sur l'objet. Par exemple, si c'est un mouton, tu dis que voilà, il y a un mouton qui a été trouvé, sans même donner la couleur ni rien. Tu dis que c'est un mouton qui a été trouvé. Si voilà, c'est un bijou, tu dis que voilà, il y a un bijou qui a été trouvé à tel endroit. Voilà, tu peux dire voilà, tu peux ne pas dire l'endroit exact, mais tu dis en gros, par exemple, dans tel quartier, tu vois, voilà, dans tel quartier, par exemple, il y a un bijou qui a été trouvé dans tel quartier. Tu donnes pas de détails sur le bijou. Tu dis même pas si c'est un bijou en or ou en argent, rien. Donc voilà, maintenant, lorsque une personne se présente donc pour récupérer cet objet, on lui pose donc les questions et s'il connaît l'objet en détail, ceci indique donc que cet objet lui appartient vraiment et dans ce cas, on lui remet l'objet. Donc si quelqu'un, par exemple, il a perdu un bijou, hein, et que voilà, il vient et te dit que voilà, le bijou, je l'ai perdu à tel endroit et c'est exactement l'endroit... dans l'endroit où tu l'as trouvé et il te dit voilà c'est un bijou en or de telle qualité, il a telle forme, il a ceci, il a cela, il te donne les caractéristiques. Par exemple, quelqu'un a perdu un mouton et dit voilà mon mouton est noir avec des taches noires, mon mouton est blanc plutôt, mon mouton est blanc avec des taches noires au niveau des pattes, au niveau des yeux, au niveau de... Il te donne des détails sur le mouton. Là tu sais que... Ou bien sur la volaille, là tu sais que voilà, c'est vraiment lui le propriétaire parce qu'il n'y a que le propriétaire qui peut vraiment savoir que l'objet que tu as déclaré avoir trouvé a ces caractéristiques-là puisque tu ne les as pas citées. Mais si tu les cites à l'avance, si tu cites les détails à l'avance, bah, ça fait que n'importe quel malhonnête peut se présenter et dire que voilà, il est le propriétaire et jurer même. Certaines personnes, ils n'ont pas de pudeur à même jurer et mentir pour pouvoir récupérer un objet de valeur. Pour éviter donc la masse des gens mal intentionnés, pour éviter de tomber sur eux, donc il est bien d'indiquer juste de manière générale quel type d'objet on a trouvé de manière générale, sans rentrer dans les détails, à la charge de la personne qui prétend être le propriétaire de cette marchandise, de ce bien, de nous donner les détails, ce qui prouvera donc, attestera qu'il en est le véritable propriétaire. Donc, et il n'y a que donc pour le véritable propriétaire qui pourrait connaître les caractéristiques exactes de la chose perdue. Et si c'est de l'argent, par exemple, on ne donne pas le montant. On dit, voilà, il y a une somme d'argent qui a été perdue dans tel quartier. Elle a été retrouvée dans tel quartier. Si quelqu'un a perdu de l'argent dans cette zone-là, qu'il nous contacte Et voilà, la personne qui vient donc, qui dit, voilà, c'est moi, j'ai perdu de l'argent dans cette zone-là. Voilà, ici, si c'est vraiment lui le propriétaire, il doit connaître à peu près le montant. Il doit même connaître le montant exact. Il doit même connaître le montant exact qu'on n'aura pas cité. Mais si maintenant la personne vient, te dit que voilà, j'ai perdu telle somme, et ça correspond exactement au montant que tu as trouvé, ou bien à peu de choses près à cela. Donc cela indique que cela va forcément indiquer que il est vraiment la personne qui a perdu cette somme d'argent. Et dans ce cas donc, quand la personne donne ces détails-là, on lui rend le bien sans autre forme de procédure. On lui rend donc immédiatement le bien sans autre forme de procédure. Et donc, ceci est donc la deuxième catégorie de biens trouvés. Et c'est cette catégorie donc qui nous concerne ici. C'est cette catégorie qui est concernée par la zakat. Car si le bien fait partie des biens sur lesquels on doit sortir la zakat et que les conditions sont réunies, on fait donc connaître le bien pendant la durée d'un an, donc pendant un haoul. Il y a donc un haoul pour faire connaître le bien. Et ensuite, dès que ce haoul est fini, si personne ne s'est manifesté, ce bien devient donc notre propriété. Nous en sommes le propriétaire. Et dans ce cas, on repart encore sur un haoul. Donc on repart encore sur une durée de un an légiférée. Et si ça atteint le nisab, bien sûr, si ça atteint le nisab, on repart donc sur une durée de un an, sur un haoul. Et après ce haoul, on sort donc la zakat pour ce bien. Et comme on l'avait déjà dit précédemment, on n'est pas obligé d'attendre, quand l'objet atteint le nisab, on n'est pas obligé d'attendre un haoul. Il est permis de sortir la zakat en avance, on n'est pas obligé d'attendre un an. Donc c'est si on veut, on attend les un an écoulés, mais il est aussi permis. Il est aussi permis et valide, et bien valide de s'acquitter donc de la zakat avant que le haoul ne soit atteint. Et il est dit aussi que si le propriétaire se manifeste même après les un an, donc on a cherché le propriétaire pendant un an, il ne s'est pas manifesté, un an et demi plus tard par exemple, il se manifeste. Et il donne les détails sur le bien, voilà, il donne les détails sur le bien qui permettent de prouver que c'était vraiment lui le propriétaire. Donc, les gens de science, par rapport à ce cas-là, ils ont dit qu'on doit quand même lui remettre son bien, si on l'a toujours. Si le bien est toujours en notre possession, même si les un an sont écoulés et que la personne se manifeste, on doit quand même lui remettre son bien, parce que la charia islamia, elle est venue pour préserver donc les biens des gens. Elle est venue pour préserver les biens des gens. Donc si la personne vient et donne les arguments qui montrent que c'est bien lui le propriétaire du bien, même si les un an et demi, même si les un an se sont écoulés, même si le haoul pour le trouver s'est écoulé, il a quand même le droit de récupérer son bien. Et on va pas dire que non, parce que un an est écoulé, maintenant c'est notre propriété, on ne te donne pas le bien. Donc en islam, il n'y a pas ce genre de choses. Donc même si c'est après 5 ans, 10 ans, si on a toujours le bien en sa possession et que le véritable propriétaire se manifeste, on doit lui remettre son haq. On doit lui remettre son droit. Parce que c'est sa chose qui ça lui appartient toujours. Ça lui appartient toujours. Et donc, dans ce cas, on lui remet, mais si c'est vendu, si c'est déjà vendu ou qu'on a consommé le bien, hein, ou qu'on a consommé le bien, dans ce cas, on lui garantit ce bien-là, et on se doit de l'indemniser. On se doit donc de l'indemniser par rapport à la valeur connue de ce bien. On se doit donc de l'indemniser par rapport à la valeur connue de ce bien. Donc voilà, parce que la charia, notre charia qui est juste, elle est donc venue pour préserver les biens de la personne. Et il n'est pas permis de prendre le haqq de quelqu'un sans droit. Si par la personne ne se manifeste jamais, la charia nous a autorisé à le prendre et à en faire notre bien. Mais même si c'est après 10 ans que la personne se manifeste, si le bien est toujours là, on lui rend son bien. Et sinon, si on a déjà utilisé ce bien, ou consommé ce bien, ou vendu ce bien, dans ce cas, on doit donc lui garantir cela en l'indemnisant. On doit donc l'indemniser proportionnellement à la valeur, de son bien. Et lorsque le bien est rendu donc à la personne, lorsque le bien est rendu à son véritable propriétaire, il doit payer la zakat. Il doit payer la zakat et la règle concernant ce cas, c'est qu'il doit payer la zakat depuis le moment où le bien a été perdu. Depuis la zakat où il doit donc payer la zakat depuis le moment où le bien a été perdu. Si quelqu'un, par exemple, il se manifeste après les 1 an, ou après 2 ans, ou après 3 ans, ou après 4 ans, et il récupère son bien, hein, ou il récupère son bien, et lui, le véritable propriétaire du bien, il doit payer la zakat à partir du moment où il a perdu le bien. Donc, il doit payer la zakat. Si c'est après 2 ans qu'il a récupéré, son bien, il doit payer la zakat des 2 ans. Si c'est 3 ans, il doit payer la zakat des 3 ans. À partir du moment où il récupère son bien, il paye la zakat donc des 3 ans. Et ça, c'est l'avis donc du madhhab Hanbali. C'est ce que dit l'imam Ibn Qudama. C'est ce que dit donc l'imam Ibn Qudama dans son livre Al-Mourni. Il a donc opté pour cet avis-là, que lorsque le véritable propriétaire s'est manifesté et qu'on lui remet son bien, donc lui, il paye la zakat sur ce bien-là en comptant à partir du moment où il l'a perdu. Par cela, donc, on a cité deux catégories de biens et d'objets trouvés. On a cité donc deux catégories de biens et d'objets trouvés. Il reste donc une troisième, parce qu'on avait dit que les biens trouvés sont de trois sortes. Il reste donc une troisième et dernière catégorie dans laquelle on trouve les chameaux, les chevaux, les mulets, les ânes, les bœufs. Donc, toutes ces bêtes citées, tous ces animaux cités, les chameaux, les chevaux, les mulets, les ânes, les bœufs, donc c'est eux qui entrent donc dans la troisième catégorie. Et cette troisième catégorie, il est interdit de s'en emparer quand on les trouve. Cette troisième catégorie, il est interdit de s'en emparer quand on les trouve. Et cette troisième catégorie, si jamais on s'en empare quand même, et qu'on les fait connaître pendant un an, ça ne devient jamais notre propriété. Donc si par exemple tu trouves un chameau ou un bœuf, même si tu recherches son propriétaire pendant 5 ans, 10 ans, ça ne revient, bon, 10 ans c'est beaucoup. Mais en gros, je veux dire donc que même si tu cherches à retrouver son propriétaire pendant une longue période, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire plus, Ça ne devient jamais ton bien. Donc, ça ne devient jamais ton bien. Ça veut dire que ça reste toujours un bien qui cherche son propriétaire. Et ça reste comme ça. Donc, ce genre de bien-là, ça ne devient jamais, même si on s'en empare et on fait 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne trouve pas son propriétaire, 4 ans, 5 ans, on ne trouve pas son propriétaire, ça ne devient jamais notre propriété. Ça ne devient jamais notre propriété. Et les gens de science ont donné comme raison de cela que cette catégorie d'animaux, elle peut survivre. Elle peut survivre seule pendant longtemps. Donc c'est pas comme par exemple les moutons ou la volaille, où il est permis de les prendre parce que il y a un risque que l'animal périsse si on n'en prend pas soin. Donc il y a un risque que l'animal périsse si on n'en prend pas soin. C'est pour ça donc que la charia, elle a permis d'en prendre, de s'en emparer et donc de faire connaître pendant 1 an. Et si le propriétaire ne se manifeste pas, ça devient donc notre propriété. Contrairement donc à cette catégorie d'animaux, hein, les chameaux, les chevaux, les mulets, les ânes, les bœufs, donc eux, ils peuvent survivre seuls pendant longtemps. Ils peuvent survivre seuls pendant longtemps. Et donc, il n'y a pas un risque de le voir périr si on n'en prend pas soin. Donc là, dans ce cas-là, on doit le laisser comme ça jusqu'à ce que il retrouve son propriétaire. Ou bien même si on le prend, si on veut en prendre soin, si on le prend et qu'on veut en prendre soin, c'est aussi possible. Mais le mieux, c'est de ne pas s'en emparer. Mais si on s'en empare et qu'on veut en prendre soin, dans ce cas-là, il faudra donc noter ce qu'on a fait comme dépense pour en prendre soin. Et lorsque son propriétaire se manifeste pour le récupérer, on lui demande donc de le remboursement de ce qu'on a dépensé pour en prendre soin. Mais le mieux c'est de ne pas s'en emparer. Le mieux c'est de ne pas s'en emparer. Parce que les chameaux, par exemple, il est connu que le chameau peut rôder, peut barouder jusqu'à retrouver son propriétaire, ou son propriétaire peut se mettre donc à sa recherche et puis le retrouver. Ce genre d'animaux, comme ils sont énormes, généralement, voilà, le propriétaire va pas, il va pas, il va faire des efforts et il peut le retrouver rapidement, ou bien l'animal lui-même peut retourner vers son maître. Donc le mieux, c'est de ne pas s'en emparer. Mais si on veut vraiment s'en emparer, bah, il faut savoir que, voilà, même si on en prend soin et tout, ça ne deviendra jamais notre propriété. Et ce qu'on venait de citer comme argument, c'est prouvé par ce qu'on venait de citer donc comme règle, elle est prouvée par donc le hadith, le même hadith de Zayd ibn Khaled qu'on a cité précédemment, qui est dans les Sahihain. Et ce hadith est beaucoup plus long que la partie qu'on a citée. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi cité. Il a aussi été questionné sur la brebis et il a permis de la prendre. Et il a été questionné sur le chameau et il n'a pas autorisé de récupérer le chameau perdu. Donc, les savants donc en ont déduit que le mouton s'est permis donc de le prendre et de chercher à retrouver son propriétaire, parce que c'est un animal que si on n'en prend pas soin, il peut périr. Mais le chameau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas autorisé parce que le chameau donc, il peut se débrouiller et survivre pendant longtemps sans qu'il ait besoin qu'on prenne soin de lui. Et donc, il est mieux de le laisser jusqu'à ce qu'il retourne à son propriétaire ou que son propriétaire le retrouve. Mais même si on en prend soin nous-mêmes, ça ne devient jamais notre propriété. Et on peut juste, lorsque le propriétaire se manifeste, lui rendre son chameau ou son cheval et donc lui demander une indemnité par rapport aux soins qu'on a prodigués à l'animal. Par rapport aux soins qu'on a prodigués à l'animal. Et donc, les mulets, les ânes et les bœufs, c'est par qiyas, donc par rapport au chameau. Le fait qu'on a introduit aussi les chevaux, les mulets, les ânes et les bœufs dans ce jugement-là, dans le même jugement, c'est par raisonnement, par similitude. Par similarité. Donc c'est par qui-est-ce qu'on a donc introduit aussi les chevaux, les mulets, les ânes et les bœufs dans le même jugement. Maintenant donc on passe à un autre cas. On passe donc à un autre cas, c'est celui donc de Huliyul Mar'a, la parure de la femme. La parure de la femme, donc les bijoux en or ou en argent portés par la femme. Sur cette question, il y a une divergence très très très forte entre les gens de science. Il y a un gros khilaf. Khilaf qawi. Donc, la divergence est vraiment forte entre les gens de science sur cette question de la parure de la femme. Et chacun des deux avis qui s'opposent. Certains voyant que la femme doit payer la zakat sur ses bijoux, sur les bijoux qu'elle porte, et l'autre camp, donc, qui voit qu'il n'y a pas de zakat à payer sur la parure de la femme, donc les bijoux en or et en argent utilisés et portés par la femme pour s'embellir. L'autre camp voit donc qu'il n'y a pas de zakat à payer sur cela. Et les deux avis, les deux camps donc ont des arguments solides. Les deux camps possèdent des arguments solides justifiant leur avis. Donc il n'est pas évident sur cette question-là de déterminer vraiment clairement et facilement. Quelle est la vie le plus juste et le plus authentique? Ce n'est pas évident. Ceux qui ont opté pour l'avis que la zakat est obligatoire sur les bijoux utilisés et portés ont pour argument l'ensemble des preuves qui imposent la zakat sur l'or et l'argent. Comme par exemple la parole d'Allah Azzawajal qu'on a déjà citée. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ceux, en traduction approximative du sens, ceux qui amassent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Et il y a aussi le hadith d'Abu Huraira dans Sahih Muslim, qu'on a aussi déjà cité, Ma min sahib dahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamah صفحت له صفائح من نار Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de détenteur d'or et d'argent qui ne s'acquitte pas de leurs droits sans qu'au jour de la résurrection, on en fasse des plaques de feu que l'on chauffe dans le feu de l'enfer. Et le hadith continue. Donc, ce hadith-là donc est dans Sahih Muslim, d'après Abu Huraira. Et donc, ce genre de preuves-là, ceux qui ont été de l'avis que la zakat est obligatoire sur les bijoux utilisés et portés par la femme, ils disent donc que ces preuves englobent toutes sortes d'or et d'argent, et que ce soit celui stocké ou celui qui est porté. Et que pour faire donc la différence entre les deux types, il faudrait qu'il y ait un dalil, une preuve claire indiquant cela. Donc pour eux, dans ces preuves, il a été cité l'or et l'argent. Et donc les bijoux, c'est de l'or et de l'argent. Donc ça rentre dans ce jugement-là. Il faut payer la zakat sur cela. Et il n'y a pas de distinction à faire entre les bijoux portés et l'or qui est porté par la femme pour s'embellir et l'argent. Et celui qui est stocké, il n'y a pas de différence à faire entre ces deux-là. Sinon, pour faire la différence entre eux, il faudrait une preuve claire qui permette de distinguer entre les deux. Et pour appuyer cet avis, ils ont aussi donc les gens de cet avis et les savants de cet avis, ils ont aussi donc des hadiths comme celui d'Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, rapporté dans les Sunan Abu Daoud et An-Nasa'i, donc dans ce hadith, donc une femme est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa fille, et sa fille avait à la main deux bracelets en or, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: atu'tina zakat hada, est-ce que tu payes, est-ce que tu t'acquittes de la zakat de ceci? Elle répondit non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ayasurruki an yusawwiruki Allah bihima yawm al-qiyamah siwarayn min nar. Il lui dit: aimerais-tu qu'Allah te les remplace au jour de la résurrection par deux bracelets de feu? Et il y a aussi donc le hadith rapporté par Abu Daoud, d'après Aïcha radiallahu anha, d'après Umul Mouminin Aïcha radiallahu anha. Et dans ce hadith, Aïcha radiallahu anha portait des bagues en argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda si elle s'acquittait de la zakat, de leur zakat. Elle répondit non. Et il lui dit: il lui dit donc: il constitue ta part de l'enfer. Ces deux hadiths donc sont authentifiés par un bon nombre de savants du hadith, parmi eux l'imam al-Albani et d'autres. Donc voilà les arguments de ceux qui ont opté pour l'avis qu'il est obligatoire de payer la zakat sur les bijoux portés et utilisés, donc sur la parure de la femme qu'elle porte donc pour s'embellir, les bijoux en or et en argent donc que la femme porte pour s'embellir. Donc ils ont été de cet avis là Et ça, c'est l'avis des imams Ibn Baz et Ibn Taymin. Et l'imam Al-Albani aussi, il a été de cet avis. Et un bon nombre de savants. Un bon nombre de savants qui ont été de cet avis-là. Maintenant, les gens de l'autre avis, ils trouvent des choses à redire sur les chaînes de transmission de ces hadiths. Donc, ils trouvent des choses à redire sur les chaînes de transmission de ces hadiths. Et c'est pour cela que la divergence est forte. Et c'est pour cela que la divergence est forte. Al-Hafiz ibn Rajab. Al-Hafiz ibn Rajab al-Anbari, dans son livre Ahkam al-Khawatim, Ahkam al-Khawatim, en page 196, il dit: وفي المسألة أحاديث لا يثبت منها شيء لا يثبت منها شيئا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيئا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, Al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali, donc dans son livre Ahkam al-Khawatim, et sur la question, les deux camps rapportent des hadiths dont aucun n'a une chaîne de transmission authentique remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur la question, donc la question de la parure de la femme, la question de la zakat de la parure de la femme. Il dit donc que sur la question, les deux camps qui s'opposent, les deux avis qui s'opposent, donc, rapportent des hadiths dont aucun n'a une chaîne de transmission authentique remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit cela parce que l'autre camp aussi, celui de ceux dont l'avis est qu'il n'y a pas de zakat sur les bijoux utilisés par les femmes pour s'embellir, il n'y a pas de zakat sur la parure de la femme, ce camp-là aussi, ils ont un hadith. Ils ont aussi un hadith qu'ils ont jugé authentique. Et ce hadith, c'est le hadith de Jabir ibn Abdillah, rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres, dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa fil huli zaka » Laysa fil huli zaka. Il n'y a pas de zakat sur la parure. Il n'y a pas de zakat sur la parure. Donc, si on considère donc, comme l'a dit Al-Hafid ibn Rajab, que personne n'a un hadith authentique des deux côtés, si on considère donc ça, puisque ceux de l'avis disant qu'il n'y a pas de zakat à payer, ils trouvent des choses à redire sur les ahadiths qui sont avancés, sur les chaînes de transmission des ahadiths qui sont avancées par ceux de l'autre avis. Et on voit aussi que ce hadith de Jabir ibn Abdillah que je venais de citer, qui est avancé comme argument par ceux de l'avis qu'il n'y a pas de zakat à payer, sur ce hadith aussi, il y a des choses à redire au niveau de sa chaîne de transmission. Et donc, la parole d'Al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali, elle peut s'avérer pertinente, que donc ayant étudié les hadiths avancés par les deux camps, il s'est aperçu qu'il y a des choses à redire sur ces hadiths là et qu'aucun d'entre eux n'a une chaîne de transmission authentique remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc si on considère cela, il reste donc à voir les arguments et contre-arguments avancés par les deux camps. Et donc concernant le verset cité précédemment, concernant le verset qu'on a cité précédemment sur l'obligation de la zakat, walladina yaknizuna dhahab wal fidda wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Donc à ce verset là, l'autre camp a répliqué, a répondu par le fait que ce verset ne concerne que ceux qui amassent et stockent l'or et l'argent sans payer leur zakat. Donc ils ont répondu à cet argument par le fait que ce verset ne concerne que ceux qui amassent et stockent l'or et l'argent sans payer leur zakat. Et que donc pour les bijoux utilisés par la femme pour sa parure, ce n'est pas le cas. Donc ce cas-là n'est pas concerné par le verset. Ce cas-là n'est pas concerné par le verset, car ce que la femme utilise pour sa parure, donc comme bijou, c'est donc pour sa parure qu'elle les utilise. Ce n'est pas quelque chose qui est stocké et amassé. C'est quelque chose qui est donc d'utilité. Pour sa beauté et pour s'embellir. Et ils ont donné comme argument aussi que c'est donc la même chose que biens qui ont été exemptés de la zakat. C'est la même chose que d'autres biens qui ont été exemptés de la zakat, comme les domiciles, les habitations, les maisons qu'on habite, les maisons qui sont occupées, qui sont habitées, les meubles que contiennent ces maisons-là, les voitures par exemple, les chameaux qu'on utilise pour le travail, les bœufs aussi qu'on utilise pour le travail. La charia donc est venue exempter ce genre de biens de la zakat, parce que c'est des biens qu'on utilise, c'est des biens qui sont d'utilité, c'est des biens qu'on utilise, et donc il n'y a pas de zakat dessus. Et certains savants ont rapporté à l'ijma, à l'unanimité, concernant cela, concernant ces biens qui sont exemptés de zakat. Normalement, par exemple, il y a la zakat sur les bœufs. Mais si les bœufs sont utilisés, comme par exemple les bœufs qui peuvent être utilisés pour le travail de la terre, pour l'agriculture, ce genre de bœufs-là, il n'y a pas de zakat à payer sur ce genre de bœufs-là. Comme il n'y a pas de zakat à payer sur les voitures ou les domiciles qui nous servent, même si on en a plusieurs. Tant qu'on les habite, il n'y a pas de zakat. Tant qu'on les utilise, il n'y a pas de zakat à payer sur cela. Et donc, les gens de cet avis disent donc que la zakat, ils disent que la parure de la femme est comme ces biens-là qui ont été exemptés. Et la parure de la femme, donc, est comme ses vêtements. C'est comme ses vêtements et tout ce qu'elle peut utiliser comme chose pour s'embellir, pour son mari. Donc, c'est comme ses vêtements ou tout ce qu'elle peut utiliser pour s'embellir, pour son mari. Donc, c'est pour ça donc qu'il n'y a pas de zakat. Il n'y a pas de zakat sur cela. Et il y a donc unanimité des gens de science sur le fait que les biens qu'on utilise, donc les biens qui sont d'utilité, sont exemptés de zakat. Maintenant, le dernier argument est celui qui fait pencher la balance pour moi. Et qui fait que j'opte pour cet avis. et que je considère que c'est la vie le plus juste. Donc je considère que la vie le plus juste, c'est qu'il n'y a pas de zakat sur les bijoux portés par la femme pour s'embellir. Ce qui fait pencher donc la balance, comme je le disais, c'est que c'est la fatwa de sept des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet avis-là, cet avis qu'il n'y a pas de zakat à payer sur la parure de la femme, c'est l'avis de sept compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est rapporté d'eux par des chaînes de transmission authentiques. Et parmi ces sept compagnons sont Jabir ibn Abdullah, Abdallah ibn Omar, Anas, Abdallah ibn Mas'ud, Aisha radiallahu anha, et sa sœur Asma, et il y a aussi Asma bint Umays. Donc ces sept compagnons-là, Jabir ibn Abdullah, Abdallah ibn Omar, Anas, Abdallah ibn Mas'ud, Aisha, sa sœur Asma et Asma bint Umays. Donc, c'est sept compagnons-là, ceci est rapporté de cette fatwa-là, que la parure de, il n'y a pas de zakat sur la parure de la femme. Et le contraire n'a pas été rapporté de manière authentique d'un autre compagnon. C'est-à-dire donc qu'on peut considérer que c'est une unanimité des compagnons. On peut considérer donc que c'est une unanimité des compagnons sur le sujet, puisque il n'est rapporté de contradicteur à cela. Il n'est pas rapporté qu'un autre compagnon a contredit cela de manière authentique. Il y a un avis d'Ibn Mas'ud qui a été rapporté, mais Al-Hafiz a jugé la chaîne de transmission de cet avis-là, de cet avis-là, très faible. Donc, il n'y a pas d'autres compagnons du prophète qui soient de l'avis contraire. Donc, il n'y a pas de compagnons du prophète qui soient de l'avis contraire. Et donc, c'est pour ça donc que moi je penche plutôt pour cet avis, puisque lorsqu'il y a divergence, on revient à ce que les Sahaba ils ont fait et à leur compréhension. On revient à leur compréhension et à ce qu'ils ont fait. Ça nous éclaire mieux. Ça nous éclaire mieux. Donc c'est pour ça que, ayant sept compagnons du prophète qui ont fait cette fatwa-là, ça solidifie fortement cet avis-là. Et c'est l'avis de la grande majorité des savants. Parmi ceux du madhhab Maliki, et Shafi'i et les Hanbalites. Et c'est l'avis aussi choisi par Ibn Khuzaymah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et son élève Ibn al-Qayyim. Et parmi les savants des époques récentes, il y a Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, Al-Shawqani, Al-Sa'di, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, Cheikh Abdallah ibn Humeid, et pas mal de contemporains aussi qui ont même rédigé des livrets dans lesquels ils ont soutenu et secouru cet avis. Et certains parmi les gens de science, malgré qu'ils ont opté pour cet avis et qu'ils l'ont secouru avec des arguments, ils disent que le mieux pour la femme est de payer la zakat sur ses bijoux. Le mieux pour la femme, malgré qu'ils voient, ils ont opté pour l'avis contraire, ils disent que c'est quand même mieux, c'est quand même mieux, par précaution pour la femme, de payer la zakat sur ses bijoux. Et c'est le cas par exemple de Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinkaiti. Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinkaiti, donc, et dans son tafsir Adwa al-Bayan, il a donc opté pour cet avis en disant que il n'y a pas de zakat à payer sur la parole de la femme, mais le mieux, si la femme peut payer, le mieux, c'est qu'elle paye. Et on craint, surtout pour certaines femmes qui ont vraiment beaucoup de bijoux. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui ont tellement de bijoux qu'elles peuvent passer un an sans avoir porté une bonne partie de ces bijoux. Il y a des femmes comme ça, qui ont tellement de bijoux qu'elles peuvent passer un an sans porter une bonne partie de ces bijoux. Et ce genre de femme-là, donc, on peut craindre pour elle qu'elle soit concernée par le verset sur ceux qui stockent et amassent donc l'or et l'argent sans payer leurs droits, si elles ne payent pas la zakat. Donc, on peut craindre pour ce genre de femme-là. Et il y a aussi des femmes qui ont des bijoux, mais qui les portent rarement. Voire très rarement. Elles ont des bijoux, mais elles les portent rarement, voire très très rarement. Vraiment, à des occasions exceptionnelles, elle va porter ses bijoux. Donc, ce genre de femme aussi, on peut craindre aussi pour elle. On peut craindre aussi pour elle. Parce que, il y a certaines, elles achètent des bijoux, mais c'est plus. Bon, elle va porter peut-être de temps en temps, mais c'est plus dans le sens d'épargner et que, bon, s'il y a besoin, elle vend un bijou et voilà, si elle a besoin d'argent, elle vend un bijou et elle se sert de cet argent-là. Et donc, dans ce cas-là, ça peut devenir de l'or et de l'argent qu'on stocke. Ça peut devenir de l'or et de l'argent qu'on stocke. Donc, il faut faire attention à cela. Ce genre de personne, on peut aussi craindre pour elle si elle ne paye pas la zakat sur ses bijoux. Mais les bijoux que la femme utilise régulièrement pour se faire belle pour son mari, et qu'ils soient en or ou en argent, même si ce sont des bijoux d'une très grosse valeur, la vie donc qui m'apparaît le plus juste, donc, comme cela a été démontré précédemment, c'est celui donc de la majorité des savants, qu'il n'y a pas de zakat à payer sur cela. Wallahu a'lam. Maintenant, il est aussi important de préciser que les bijoux qu'on ne met jamais, qui ne sont jamais portés, qui sont juste stockés, qui sont juste là au cas où on a besoin d'argent, on vend un de ces bijoux. Cela, il n'y a pas de divergence sur le fait qu'il faut payer la zakat sur cela. Donc faut bien faire attention. Si la femme a des bijoux mais qu'elle ne les met jamais, jamais, elle ne les porte jamais, ces bijoux-là, c'est des bijoux sur lesquels il faut payer la zakat. C'est des bijoux sur lesquels il faut payer la zakat et il n'y a pas de divergence entre les gens de science par rapport à cela. Et les bijoux donc en perles et en saphir, en rubis par exemple, en perles, en rubis, en saphir, il n'y a pas de zakat à payer sur cela. Et Ibn Abdelbar a rapporté l'unanimité des gens de science dans son livre El-Istidkar sur le fait qu'il n'y a pas de zakat sur les bijoux faits de perles ou de pierres précieuses, comme le rubis, le saphir par exemple. Et le diamant et le platine aussi. Cheikh Ibn Baz, il a une fatwa sur le sujet, dans laquelle il dit donc qu'il n'y a pas de zakat à payer sur le diamant et le platine, quelle que soit sa valeur, sauf si c'est pour le commerce. Sauf si c'est pour le commerce, dans ce cas-là, on sort donc la zakat. Comme pour tous les produits commerciaux, comme pour tous les produits commerciaux, comme nous allons le voir prochainement, maintenant un autre cas, le cas de l'argent haram, le cas de l'argent haram, l'argent par exemple issu de la vente de produits illicites. Par exemple, la vente de drogue, la vente d'alcool, l'argent gagné dans les jeux de hasard. ou issue de l'usure, du riba, est-ce qu'on sort la zakat quand même sur cet argent? Ça peut être aussi issu du vol, de l'escroquerie. Donc l'argent qui provient du haram, de l'illicite. Quel est l'avis donc sur le sujet? Donc l'avis le plus juste sur le sujet est qu'il n'y a pas de zakat sur cela. La zakat n'est que sur l'argent et les biens licites ou obtenus dans le licite. Ceci d'après le prophète, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdallah ibn Omar, dans Sahih Muslim. Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tuqbalu salat bi ghayr tahur wa la sadaqa min ghalul » Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc qu'il n'y a pas de prière. Non, il dit la prière sans purification n'est pas acceptée, de même que la sadaqa provenant du vol. La prière sans purification n'est pas acceptée, de même que la sadaqa provenant du vol. Donc la zakat sur un bien provenant du vol ou de l'escroquerie et autres actes et transactions illicites ne peut être acceptée. Et la zakat, c'est une purification des biens, comme on l'a déjà dit précédemment. Et le haram ne peut en aucun cas être purifié. Le haram ne peut en aucun cas être purifié. Sauf dans le cas où, par exemple, la personne était ignorante. Dans le cas où la personne était ignorante que la chose est illicite ou que la transaction est illicite. Dans ce cas-là, comme par exemple quelqu'un peut avoir vendu des produits ou fait des transactions illicites sans savoir que c'était haram. Lorsqu'on l'informe que c'est illicite, il fait taouba immédiatement. Dans ce cas, des savants comme l'imam Ibn Baz, par exemple, ils voient que dans ce cas précis où la personne était ignorante, sur le hukm, était ignorante du jugement concernant ce qu'il faisait comme acte ou comme transaction, s'il fait tawba, dans ce cas-là, il lui est permis de garder l'argent qu'il a donc gagné précédemment. Il lui est permis donc de garder l'argent qu'il a gagné jusqu'à ce qu'on l'informe du caractère illicite de ce qu'il faisait. Et l'imam Ibn Baz, il s'appuie pour prouver cet avis sur la parole d'Allah Azza wa Jal. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Donc, en traduction approximative du sens, celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah. Celui donc qui cesse, c'est-à-dire de commettre cet acte illicite, celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, donc il cesse et il fait tauba, il se repent. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah. Donc, l'imam Ibn Baz, il s'appuie donc sur ce verset de Surat al-Baqarah. Donc, pour dire que celui qui était ignorant du caractère illicite de son gain ou ne savait pas que ce qu'il vendait est haram, par exemple, ou bien que la transaction qu'il faisait, c'est du riba, c'est de l'usure. Donc, dès qu'il est informé et qu'il fait tauba, il peut donc garder ce qu'il a acquis auparavant comme argent et donc comme il a fait tauba, donc il garde ce qu'il a acquis auparavant comme argent et Il sortira donc la zakat sur cet argent-là ou sur ses biens provenant de ce gain illicite dont il était ignorant. Mais ça, c'est seulement dans le cas où la personne est ignorante. Celui qui sait, sauf que il sait très bien que c'est une chose interdite, il sait très bien que cette transaction, ce type de transaction est interdite, mais il est laxiste et tout ce qui importe pour lui, c'est de gagner de l'argent. Tout ce qui est important pour lui, c'est le gain. Les savants disent donc qu'il doit, celui-là, il ne garde pas ce qu'il a acquis auparavant. Il doit s'en débarrasser. Il ne lui est pas permis de garder ce qu'il a acquis auparavant. Il doit s'en débarrasser, il doit se débarrasser de cet argent-là en l'utilisant dans des choses qui sont d'intérêt public. Par exemple, construction de routes, de ponts, ou par exemple, s'il y a des mosquées ou des lieux de prière qui n'ont pas de toilettes. Voilà, il se débarrasse de cet argent-là dans ce genre d'action. Faire des toilettes où il y en a besoin, etc. Donc, tout ce qui peut être d'utilité publique pour les musulmans, il dépense donc de cet argent acquis dans l'illicite. Il dépense donc de cet argent-là dans ce genre de, pour ce genre de cause. Il ne lui est pas permis de donner cet argent aux pauvres. Il ne doit pas faire des sadaqa avec cet argent-là, ou bien construire des mosquées, ou bien faire des actes dont on espère la récompense. Voilà, donc l'argent haram. Par exemple, aussi, tu ne peux pas faire le hajj avec, par exemple. Tu ne peux pas faire le hajj avec, ce n'est pas accepté. Ou la umrah. C'est pas accepté. Donc, il faut donc s'en débarrasser pour des choses qui sont d'intérêt public. Donc, c'est seulement si la personne était ignorante du jugement. Là, dans ce cas-là, il fait tawba et il peut garder son argent. Et il fait son argent, donc... illicite, et il fait donc ce qu'il veut. Son argent devient donc licite après sa tawba, et donc il peut donc tout faire avec le hajj, il peut faire tout avec, faire des sadaqat, faire tout avec. Ça, c'est seulement pour le cas de la personne donc qui était ignorante. Maintenant, il y a le cas où ton argent ou bien est issu du vol ou de l'escroquerie. Dans ce cas, tu dois chercher à le rendre à son propriétaire. Si tu n'arrives pas à rentrer en contact avec lui, les gens de science autorisent à ce que tu fasses sadaqa à un pauvre de cet argent ou de ce bien avec l'intention que c'est pour la personne à qui tu as volé ou escroqué ce bien-là. Donc tu fais une sadaqa avec l'intention que ça lui profite à lui, que c'est pour son profit à lui. Si tu n'arrives pas à le retrouver, si tu arrives à rentrer en contact avec lui, à le retrouver, tu lui rembourses ce que tu lui as volé ou tu lui as escroqué. Et il y a aussi donc le cas où les biens sont mélangés, où l'argent est mélangé, par exemple. Une partie est issue de l'illicite et l'autre est issue du halal, du licite. Dans ce cas, il faut donc estimer du mieux qu'on peut la quantité d'illicite et la sortir pour les œuvres d'intérêt public, comme on l'a dit précédemment. Et le reste, donc, on sort la zakat normalement, si ça atteint le nisab. Il y a aussi donc le cas, par exemple, d'objets interdits, comme les ustensiles de cuisine, par exemple, en or et en argent. Ça, c'est interdit. C'est interdit à la base d'avoir des ustensiles de cuisine, au couteau, fourchette, cuillère, récipient, en or et en argent. C'est interdit, c'est haram de posséder cela. Mais si la personne les possède quand même, il doit faire tawba. D'abord, il doit faire tawba et il doit quand même s'acquitter de la zakat. Il n'est pas exempté de la zakat sur cela. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ibn Qudama dans son livre El Mourni. Donc, il faut donc faire estimer la quantité d'or et d'argent contenu dans ces ustensiles. que ce soit des couteaux, des fourchettes, des cuillères ou des récipients. On estime donc la quantité d'or ou d'argent qui sont contenus dedans, la quantité d'or pur et d'argent qui sont contenus dedans, et on sort la zakat si ça atteint un nissab. D'autres sont d'avis qu'il peut aussi estimer la valeur. Il peut estimer directement la valeur de ces ustensiles-là. Et puis sortir la zakat se basant sur la valeur globale de ces ustensiles-là. Mais le premier avis est le plus solide. Et que s'il est possible de les faire fondre, s'il est possible de les faire fondre afin de connaître la quantité d'or pur et d'argent pur qu'ils contiennent. Et ensuite, donc, sortir la zakat, après, si ça atteint le nissab, sortir la zakat sur cela. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. On demande à Allah Azawajal qui rende cela profitable pour l'islam et les musulmans. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.